Bonjour, je m'appelle Aveline Salançon, je suis enseignant-chercheur à Aix-Marseille Université. Ici, on se trouve dans mon laboratoire, le CINEM, Centre interdisciplinaire de nanosciences de Marseille, où je fais ma recherche. Actuellement, je travaille sur deux sujets différents, donc un sujet en collaboration avec un biophysicien qui s'appelle Bernard Tinlan, pour la détection de molécules uniques d'un côté, et d'un autre, un sujet où je m'intéresse à une nouvelle source, mais cette fois d'électrons, qui est faite à base de minéraux isolants. L'émission d'électrons à partir de minéraux, au niveau fondamental, il y a beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas encore tout ce qui se passe. Mais l'idée était partie de... Donc c'est Roger Morin qui a eu cette idée. Les isolants, ils ont des forts coefficients d'émission secondaire d'électrons. Ça veut dire que lorsqu'il y a un électron qui traverse un isolant, de cet isolant, il ne va pas partir un électron, mais une dizaine d'électrons en réalité. Donc est-ce qu'il n'y a pas moyen d'utiliser ce truc-là pour pouvoir faire des sources qui sont encore plus intenses et qui ont des propriétés intéressantes? Donc il avait fait venir un stagiaire de maîtrise à l'époque, quand j'étais en thèse d'ailleurs, pour tester ça, pour savoir si effectivement il pouvait y avoir des phénomènes rigolos là-dessus avec des minéraux isolants de toute forme, de tout diamètre, de tout, vraiment. Et ils ont essayé comme ça plein de minéraux. Et quelques minéraux émettaient, d'autres n'émettaient pas. On ne savait pas bien pourquoi. Et il se trouve que c'est au niveau de la structure du matériau lui-même qu'il y a une possibilité d'avoir de l'émission. Alors, il se trouve que les matériaux qui émettent, là, pour le coup, moi, j'utilise de la céladonite principalement et de la kaolinite. On a des géophysiciens au labo, en fait. C'est eux qui me fournissent ces matériaux. Et en fait, c'est des argiles différentes qui sont souvent utilisées. La kaolinite, par exemple, c'est utilisé dans les structures des voitures. Tous les pare-chocs ou tous les tableaux de bord des voitures sont faits à base de kaolin. C'est de la kaolinite. Et donc, ces matériaux mis en poudre, ça fait des toutes petites, des tout petits cristaux qui font un micron de long par 500 nanomètres de large, et en épaisseur, ça fait la 50 nanomètres d'épaisseur à peu près. Donc, on réduit en poudre ces matériaux. Après, on les met dans une solution où on disperse plein de petits minéraux avec de l'eau, tout simplement, de l'eau déminéralisée. Et puis, on vient faire un dépôt goutte sur une surface métallique. Du coup, il va y avoir quelques minéraux qui vont se placer. C'est comme si je prenais ma paire de lunettes ici. Je la pose à cet endroit-là sur la table. Ça, c'est la surface métallique. Et là, j'ai un minéral. À côté, j'en ai un autre. Voilà, ici, il y en a un autre. Voilà. Donc là, on va imaginer une surface comme ça, pleine, avec quelques minéraux qui vont émettre, enfin qui vont être déposés dessus. Et de là, il y a un faisceau d'électrons qui est émis lorsque cette surface est polarisée négativement. Donc là, on se dit, tiens, et puis il y a beaucoup de courant. Donc, super, c'est vachement intéressant. Maintenant, comment il est ce faisceau? Est-ce qu'on arrive à créer une seule source? Parce que là, comme je vous disais, on a un film en fait, avec plein de minéraux. Il n'y en a pas qu'un qui va émettre, il y en a plein. Et puis ils vont émettre dans les différentes directions. Enfin, ça va être très compliqué d'aller chercher le minéral qui a émis, pourquoi, etc. Et donc ça a été un peu l'objet de la thèse de Rachid Desneiges, qui a travaillé là-dessus. Il a fini sa thèse en 2009, je pense, quelque chose comme ça. Donc il avait réussi à montrer qu'il y avait, en gros, lorsque c'était des céladonites, 70% de minéraux qui émettaient sur une surface. Après, il a réussi à venir diaphragmer, finalement, un faisceau en particulier, et à montrer que ce faisceau, qui provenait d'une particule, était cohérent. Donc on s'est dit, mais c'est une aubaine, on peut peut-être arriver à faire une source avec une particule qui émet dans la direction qu'on veut, qui a un faisceau cohérent et qui en plus a un faisceau vraiment un fort flux de particules, donc une forte intensité. Et c'est là-dessus que je suis arrivée, donc sachant que les bases étaient posées, on savait que ça marchait. Maintenant, comment arriver à faire une source avec une particule? Et donc là dernièrement, j'ai réussi à faire ce type de source où on a finalement, j'utilise un fil de carbone, c'est un fil de métallique ou semi-métallique. C'est un fil qui fait la dizaine de microns de diamètre. Et au bout, sur la tranche, je viens faire un tout petit dépôt-goutte. Alors les minéraux, ils vont se mettre un peu n'importe comment sur la tranche du fil. Et puis lorsque je vais appliquer le champ, en fait, il y a un minéral qui va venir se positionner. Il va être un peu secoué sous ces potentiels qui sont appliqués. Et du coup, ça va se charger et ça va venir se positionner à plat sur la tranche du fil. Et il y a en général un seul minéral qui se positionne et c'est le seul qui émet. Donc du coup, j'ai une source qui est parfaitement directive puisque c'est dans le sens du fil, sur la planéité de la tranche du fil. Et j'arrive à avoir comme ça une source qui est de taille toute petite, avec une seule énergie. Et donc, je fais un faisceau cohérent. Mais cette fois, on a des électrons. Alors, on a des phénomènes qui sont super intéressants parce que ce sont des électrons, justement. Je n'arrive pas à l'observer. C'est une intuition dans le sens que je vois bien que la source, au départ, elle n'émet pas forcément. Il faut que je monte un peu plus haut en tension. Donc, ça va charger un peu tout ce qui est autour. En fait, ça agit un peu comme un amorçage, en fait. Donc, je dois monter un peu plus haut en tension. D'un coup, il y a de l'émission. Et puis, l'émission, elle est instable au départ. Donc on sent bien qu'il y a du mouvement dans le système. Et au moment où la particule est positionnée, l'émission devient stable et ça bouge plus et j'obtiens toujours la même image. Et ça peut durer des mois, voire plus, quoi. En général, c'est moi qui tue les structures parce que je veux passer à une autre structure, vérifier le montage, etc. Et donc j'ai vraiment une durée de vie qui est énorme avec ces structures-là. Et dans des conditions... vraiment pas du tout draconienne par rapport aux autres sources d'électrons. Donc du coup, c'est super intéressant de ce point de vue-là aussi. Alors, quand je vous dis je fais un dépôt-goutte, il faut voir que c'est une goutte qui est extrêmement petite. Donc l'eau s'évapore très vite. C'est-à-dire que lorsque je fais le dépôt, les minéraux sont dans la goutte. L'eau s'évapore et du coup il me reste plus que les minéraux à la surface de mon fil. Après ça, je le passe sous vide, donc du coup vraiment il n'y a plus du tout d'eau après sur ma structure, hein. Il n'y a plus que les minéraux. Il peut y avoir éventuellement un film d'eau absorbé à la surface des minéraux ou à la surface du fil, mais j'imagine que sous le champ, c'est peut-être même ce qui permet d'ailleurs aux particules de se positionner correctement. Parce qu'effectivement, je ne les sèche pas les structures. Je pourrais éventuellement, ça fait partie des essais que je veux faire dans les jours à venir, faire un étuvage de ma structure avant de la passer sous vide, pour enlever toute l'eau qui est dessus, et de façon à voir si ça change quelque chose au niveau de l'émission. Si ça change quelque chose, ça me montrera que le film d'eau qui est absorbé sur la surface a un rôle dans le positionnement de la particule. Donc voilà, c'est que par ce genre de petites expériences comme ça qu'on arrive à déterminer petit à petit ce qui est le moteur ou ce qui a un rôle important dans nos structures. Donc en fait, on se sert de l'expérience pour pouvoir comprendre la théorie qui est derrière. Et dans mon groupe, souvent, c'est comme ça qu'on travaille. Donc du coup, ces particules, on ne sait pas encore comment elles fonctionnent. Quel est le fondement physique qui est derrière ? On a une idée, on se fait une représentation des choses, mais c'est pas encore prouvé. Donc là, je suis en train d'essayer de faire toutes les expériences qui vont petit à petit m'amener à dire oui, c'est bien ça le mécanisme qui est derrière, le mécanisme physique qui est derrière. Et c'est pas des expériences qui sont toujours simples parce que, enfin, on peut toujours se poser des questions encore au-delà, quoi. Et disons que quand j'explique ces trucs-là à d'autres physiciens, ils me regardent, ils me disent mais c'est pas possible, comment ça peut marcher ? Bon, c'est super intéressant, mais je vois mal ce truc-là émettre pour ces réserves-là. Est-ce que ça serait peut-être pas parce que la structure chauffe et donc c'est une émission thermoélectronique finalement. Bon ben voilà, donc là il a fallu que je fasse une expérience où je leur montre, je savais que c'était pas ça, hein, mais il a fallu que je fasse l'expérience qui montrait de façon effective que c'était pas ça. Donc comment on fait ? Eh bien, au lieu de faire la structure sur un film, sur une surface ou sur un fil sur la tranche, Eh bien, je vais utiliser le fil pour faire comme un filament de lampe, en fait, pour chauffer la structure. Et j'ai mis le minéral sur ce fil. Du coup, ben, je pouvais à la fois polariser mon fil et le chauffer. Et donc, si ça avait été un effet thermo-électronique, en chauffant, j'aurais dû avoir encore plus de courant. Or là, ça n'a pas du tout été le cas. Au contraire, en chauffant, c'était peut-être même moins bien. J'ai gagné peut-être un peu en stabilité, mais j'ai pas du tout gagné en courant, en émission ou en amorçage de l'émission ou ce genre de choses. Donc du coup, là, j'ai pu répondre aux questions que se posaient les autres physiciens. Non, c'est pas thermoélectronique, c'est de l'émission de champ, a priori. Parce que les mesures que je fais au niveau du courant par rapport à la tension, au courant d'émission par rapport à la tension, me montrent une évolution qui ressemble fortement aux évolutions de type émission de champ. Donc, voilà, là je réponds à une question que peuvent se poser d'autres physiciens. Mais il y en a plein d'autres. Parce que ces structures isolantes, pourquoi est-ce que, alors qu'elles font 1 micron par 500 nanomètres, qui sont des structures qui sont presque macroscopiques, on les voit au microscope optique. Donc, ces structures qui sont grosses, elles vont nous permettre d'avoir une source qui fait moins de 10 nanomètres de diamètre. Une taille de source qui fait moins de 10 nanomètres de diamètre. Ça, c'est quelque chose qui est... Voilà, on peut vraiment se poser la question. Pourquoi ? Comment ça se fait qu'on a ça ? Qu'est-ce qui fait qu'on a cette cohérence derrière et une taille de source aussi fine ? Il faut avoir une pointe ultra fine et c'est la taille de source, ça sera la taille de la pointe, finalement. Et là, non, c'est quelque chose de beaucoup plus petit que la taille de la source elle-même. Donc, un nanomètre, c'est 1000 fois plus petit qu'un micromètre. Donc, c'est un milliardième de mètre. Ça veut dire qu'on prend un cheveu et qu'on le coupe en 10 000 morceaux et on arrive au nanomètre. Voilà, donc là, le fait d'avoir une particule qui faisait 1 micron par 500 nanomètres, pour moi, c'est une taille de particule qui est presque macroscopique. Enfin, c'est microscopique. Voilà. Eh bien, ma taille de source, elle est nanoscopique. Donc, comment ça se fait ? Et là, il y a vraiment beaucoup de questions à se poser derrière. Alors, j'ai une idée, mais je ne suis pas sûre que ce soit effectivement ça. Donc ça, c'est pareil. Il faut que j'arrive à faire une expérience qui me montre que l'idée que j'ai est correcte. Et ça, c'est pas facile à faire. Ça veut dire fabriquer une structure artificielle qui modélise la structure que j'ai, où je contrôle absolument tout, et dire, bon, c'est ce phénomène-là qui rentre en compte. Et donc du coup, là, je vais travailler avec des collègues qui sont en salle blanche pour faire une structure parfaitement connue où je calibre tout et où je suis sûre de ce que je fais. C'est pas gagné. Comment dire ? Les électrons ne se déplacent pas facilement dans un isolant. Mais il y a plein d'électrons. Ils sont dans ce qu'on appelle le cœur de la matière, quoi. Ils sont tous scindés, ils n'arrivent pas à bouger. Mais par contre, si on arrive à aller les remuer, eh bien, il y a une forte réserve, en fait. Et donc, du coup, ça peut... on arrive à en éjecter encore plus que ce qu'il y en avait. C'est un peu comme si on avait une boule avec juste une petite surface autour souple, voyez. Cette surface, on arrive à la déchirer ou à l'enlever facilement sur des trucs métalliques et qui sont pas isolants, qui sont conducteurs. Et par contre, cette surface-là, elle est comprise dans le cœur de notre boule lorsqu'on a un isolant. Alors il faut aller la bouger pour pouvoir les faire émettre, en fait, pour aller les chercher, quoi. Le modèle que j'imagine, c'est sur la surface métallique, on a une rugosité de surface, en fait. Comme je vous ai dit, on est sur la tranche d'un fil qui fait 10 microns de diamètre. Ça veut dire qu'on a un cercle qui fait 10 microns de diamètre sur lequel on a un minéral qui est posé. Sur ce cercle, c'est une surface. Et une surface, c'est jamais plan. Il y a toujours une rugosité de surface. Et donc, cette rugosité, ça veut dire que lorsqu'on va poser quelque chose de plan dessus, qui est parfaitement plan, donc ces minéraux, une surface qui est parfaitement plane, lorsqu'on va le poser, en fait, il va être généralement posé sur 4 picots qui ressortent de la rugosité de la surface. Et on peut imaginer que derrière ce truc-là, il y a d'autres picots, d'autres petits points derrière cette structure. Et si ces petites pointes qui ressortent de la surface ici commencent à émettre des électrons parce qu'on a un champ électrique qui est appliqué, avec un champ, donc on peut avoir des émissions de champ qui commencent, mais à très faible niveau, donc juste quelques électrons. Ces électrons, ils vont charger la surface du minéral qui, lui, est isolant. Donc du coup, ils vont se placer là, à la surface. Et comme il faut qu'il y ait un équilibre au niveau de l'isolant, de l'autre côté, ça va se charger positivement. Et du coup, le champ qui va être ici, au fur et à mesure, parce qu'il y a une petite pointe derrière, va être de plus en plus important. Donc une pointe négative face à quelque chose qui est négatif, le champ électrique va être encore plus important. Et comme ce champ électrique va être de plus en plus important, on va avoir une émission de champ qui va se faire beaucoup plus facilement. Et donc les électrons vont être extraits de cette pointe, en fait. Vont passer à travers le minéral, et effectivement, à travers ce minéral, vont pouvoir être amplifiés, en quelque sorte. Mais on a toujours une source derrière qui arrive et qui nous remplit nos couches, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que j'imagine que ma source, c'est pas le minéral lui-même, c'est ce qui est derrière. Et c'est la rugosité de la surface qui contient une petite pointe et qui, du coup, c'est elle qui, a priori, est la source que moi je vois. Mais elle est protégée par ce minéral. Et donc c'est pour ça que j'arrive à être dans des conditions extrêmes au niveau pression. Je peux monter très très haut en pression par rapport à d'autres sources d'électrons. Parce que j'ai ce minéral qui protège ma partie source qui est derrière. En fait. Donc ça fait à la fois office de condensateur, puisque ça va charger et donc ça va augmenter mon champ local. Ça fait office de protection pour ma source. Et puis ça fait office d'amplificateur, puisque ça a un fort coefficient d'émission secondaire. Donc c'est super intéressant. Mais tout ça, il faut encore le prouver. C'est-à-dire que là, la preuve, on pourrait dire, mais c'est que ça marche. On a un faisceau d'électrons avec un courant fantastique, avec un faisceau cohérent. On fait une imagerie derrière qui est extraordinaire. Bon, mais ça suffit pas. Hein. Il faut les convaincre, les physiciens. Donc voilà, maintenant je vais m'atteler à faire à la fois le côté fondamental, donc essayer vraiment de déterminer les phénomènes physiques et les mécanismes physiques qui sont derrière, et le côté applicatif, parce que derrière, à partir du moment où on a une nouvelle source, on va avoir de nouvelles applications qui vont être créées derrière. Alors là, moi je parlais des phénomènes qui expliquent pourquoi est-ce qu'il y a émission. Donc ça, c'est ce qui m'intéresse, dans le sens que quand je vais à une conférence, c'est aussi la question qu'on me pose principalement. Maintenant, le côté applicatif et ce que ça engendre derrière, c'est super intéressant aussi. C'est-à-dire que lorsqu'on a un faisceau cohérent d'électrons, on peut arriver à faire de l'imagerie avec. C'est-à-dire que si vous vous adressez à des microscopistes qui fassent de la microscopie électronique ou de la microscopie optique, vous vous rendrez vite compte que si on a un faisceau cohérent, la résolution est bien meilleure. Et donc on arrive à avoir des images beaucoup plus nettes et beaucoup mieux résolues des objets que l'on observe. Et du coup, là, on a un faisceau cohérent d'électrons. Bon, c'est pas nouveau. Il y a d'autres sources qui font des faisceaux cohérents d'électrons. Mais les sources qui font des faisceaux cohérents d'électrons avec des intensités importantes, il n'y en a pas tant que ça. Et puis, surtout, celles qui existent, elles fonctionnent dans des vides qui sont extrêmement poussés. Parce que ce sont des pointes ultra fines de tungstène qui sont polarisées négativement. Lorsque les électrons sont émis de ces pointes, s'il y a un vide qui n'est pas très bon après, on peut imaginer que lorsqu'il y a un électron qui va choquer un atome, il va l'ioniser. L'ion va être positif, il va être attiré par la polarité négative de la pointe, et il va venir fracasser la pointe, en fait. Il va venir l'abîmer, et petit à petit, l'éroder. Et donc, du coup, si on est dans un mauvais vide, ces sources sont très vite abîmées. Donc, il faut être dans des vides poussés. Donc, ça veut dire étuver l'expérience. Donc, ça veut dire se mettre dans des conditions où les objets biologiques, pour le coup, c'est terminé, on ne peut plus les observer. Enfin, voilà. Et du coup, avoir une source comme celle que je vous disais tout à l'heure, qui est protégée parce qu'il y a ce minéral devant, et du coup, travailler à des pressions qui sont plus élevées sans avoir besoin d'étuvage, c'est déjà un gain énorme. Donc, on pourrait imaginer utiliser ces sources-là dans tous les appareils qui utilisent des faisceaux d'électrons. Donc les microscopes électroniques à balayage, les microscopes électroniques en transmission, enfin voilà, tous les différents types de microscopie électronique. Et nous, au laboratoire, on a développé en plus un nouveau type de microscopie électronique. Ces microscopies électroniques, c'est une microscopie qui utilise la cohérence, en fait, des faisceaux. Et de faisceaux de basse énergie, en plus. Donc ça, c'est intéressant parce qu'on vient caresser la matière, en quelque sorte. Comme on est à basse énergie, on ne va pas frapper les objets qu'on observe avec des vitesses trop importantes. Et donc ça, c'est intéressant de ce point de vue-là. Et l'autre côté, c'est que lorsqu'on a un faisceau cohérent, on arrive à faire de l'holographie. Et c'est ce qu'on a développé ici au laboratoire. Je vais travailler avec les collègues qui sont en salle blanche, qui eux arrivent à fabriquer des nanostructures justement parce qu'ils ont des faisceaux d'ions focalisés, ils ont des systèmes de photolithographie, enfin ils ont tout ce qu'il faut pour arriver à fabriquer, j'espère, à peu près toutes les structures qu'on veut. Je voudrais arriver à faire un système où j'ai une surface métallique plane, avec une pointe en profondeur dessous, et arriver à déposer un isolant dessus, fin, un isolant calibré, etc., qui fasse un pont, en fait, au-dessus de la pointe, et arriver à montrer que ça peut émettre, et de quelle façon. Voilà. Et a priori, ça serait la preuve que ce que je suppose est vrai. Là, il va falloir utiliser les moyens lourds et sophistiqués à la pointe de la technologie pour pouvoir montrer le mécanisme qui est derrière. Les ingénieurs qui travaillent en salle blanche, quand je suis arrivée avec mon sujet, ils me disent « Ah oui, tout de suite, je veux travailler avec toi, on veut comprendre, c'est super intéressant. » Bon, donc les convaincre, c'est pas un problème, parce qu'ils travaillent justement sur des systèmes à la pointe de la technologie. À la pointe, quand je dis ça, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'ils utilisent des sources d'ions à base de gallium, et ils savent que c'est pourri. S'ils pouvaient utiliser une source d'ions à base de gaz, par exemple, ils seraient super contents. Ils utilisent des systèmes avec des sources d'électrons qui travaillent dans des vides extrêmement poussées. Ils savent que si on pouvait utiliser des sources d'électrons avec des particules posées dessus qui émettent énormément de flux de particules, ça serait super intéressant pour certaines applications. Enfin bon, du coup, ils se disent qu'il y a beaucoup d'enjeux derrière. Par contre, ça risque de prendre du temps, parce que je ne suis pas sûre qu'au niveau techno, ils aient ce qu'il faut encore pour le faire. Je n'en sais rien. Moi, j'avais travaillé sur un sujet lorsque j'étais en DEA, justement, où je faisais un peu ce type de structure. Donc j'espère pouvoir réutiliser ce que j'avais fait, plus ou moins. Mais je ne suis pas certaine de pouvoir le faire ici. Je l'avais fait à Grenoble à l'époque, donc... Voilà, il faut voir. Et puis après, utiliser ce que je vais faire en salle blanche dans ma manip, dans les mêmes conditions que ce que je fais avec ma source et tout ça, ça c'est pas encore gagné non plus. À chaque nouvelle source, il va y avoir un nouveau montage qui va aller derrière. Et donc là, c'est pareil, au niveau mécanique, il y aura certainement des modifications à apporter. Et moi, ça va me prendre du temps, quoi, pour arriver à utiliser les sources fabriquées en salle blanche dans ma manip. Donc c'est pour ça que le côté applicatif, il est facile à mettre en œuvre pour moi. Parce que j'utilise la source que je fais actuellement et il n'y a plus qu'au niveau de l'objet qu'il y a quelques petites modifications à faire. Bon, moi, la source, c'est la même. Alors que le côté mécanisme physique, essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, ce sera plus lourd, quoi. Ce sera vraiment plus lourd, à la fois du point de vue de la fabrication de la source elle-même et du point de vue de l'utilisation de cette source dans ma manip. Mais bon, il faut le faire. Il faut le faire parce que sinon, j'arriverai pas à convaincre les gens, quoi. Et il faut convaincre de tout point de vue, sinon... Enfin, je comprends qu'il y ait des sceptiques. Et puis même moi, je suis curieuse. Rien que pour la curiosité, c'est important. La deuxième expérience sur laquelle je travaille, c'est la détection de molécules uniques. Alors, l'objectif, il est d'essayer de détecter le passage de molécules à travers un petit trou. Les premières expériences qui ont été faites dans ce domaine-là, c'est aux alentours des années 2000-2004 à peu près. Les gens ont voulu essayer de mimer la translocation de l'ADN à travers les protéines. Normalement, une protéine ouvre des petits canaux et l'ADN passe au travers pour rentrer dans les cellules. Donc, si on veut mimer cette translocation avec des matériaux que l'on contrôle, on peut imaginer faire des pores de cette forme-là, mais durs, que nous, on est capable de micro-usiner ou graver en salle blanche, ce genre de choses. Et c'est effectivement les premières expériences qui ont été faites. Les gens ont pris une surface, ont creusé des trous à l'intérieur de taille nanométrique. Ils ont mis ces surfaces dans des systèmes clos de part et d'autre. Et puis là, on peut mettre ce montage en solution. Alors ça, là, on peut mettre de la solution de partout. Et là, on peut mettre une solution saline, par exemple. Auquel cas, si on met une électrode d'un côté et une électrode de l'autre, on peut mettre un petit potentiel entre les deux. Et on voit que le courant ionique, en fait, puisque c'est une solution saline qu'on a à l'intérieur, donc on va avoir, par exemple, si c'est du KCl, on va avoir des K+, et des Cl-. Les K+, vont aller vers l'électrode négative, et le Cl- vers l'électrode positive. Et donc, ça va nous faire un courant ionique dans la solution. Ce courant ionique, il va être limité par la taille du trou. Donc la résistance qui va être mesurée ici au niveau des électrodes est essentiellement due à la taille du trou qui est ici. Donc en fait, si on applique un petit potentiel ici, si on mesure le courant qui passe dans cette structure-là, eh bien on va, si on applique un potentiel de 120 millivolts, on va mesurer des courants de la centaine de picoampères. C'est des courants qui sont extrêmement petits. Donc ça veut dire ça, qu'il faut être blindé de partout et ne pas être soumis au bruit extérieur. Donc on met une cage de Faraday tout autour de l'expérience en général. Ça nous permet de nous protéger principalement du 50 Hz en fait et des courants induits par le 50 Hz. Donc on a la centaine de picoampères et du coup maintenant on imagine que si on met une molécule à l'intérieur, exemple de l'ADN, l'ADN qui forme une boule qui fait à peu près 2 microns à la base, quand on l'étire et qu'on l'allonge, ça fait un brin, vous connaissez bien ce brin de l'ADN, j'imagine, vous l'avez déjà vu, qui fait 2 nanomètres de diamètre et qui peut éventuellement être très long. Il peut aller jusqu'à 100 microns de long, quelque chose comme ça. C'est pour ça que ça fait des boules de 2 micromètres quand c'est enroulé et tressé. Mais pour pouvoir passer dans ces trous qui sont tout petits, l'ADN est obligé de s'effiler, de s'allonger en fait. Et lorsqu'il va passer dans ces trous qui font 5 nanomètres, par exemple, l'ADN faisant lui-même 2 nanomètres, il va boucher une partie du courant. Il va augmenter la résistance de notre trou, en fait. Et donc, du coup, ici, on va avoir des chutes de courant. Donc, au final, si on enregistre notre courant en fonction du temps, on va avoir un courant qui va être fixe jusqu'à ce que, d'un coup, il y ait un ADN qui passe. Tac, on chute le courant. Puis après, hop, on remonte. Il n'y a plus d'ADN. Et là, hop, il y a de l'ADN. Donc évidemment, les temps de passage ici sont extrêmement rapides. Donc il faut être précis et dans la mesure du courant et dans la détection temporelle ici. Donc c'est des choses qui ne sont pas si simples que ça à faire. Mais ça a déjà été fait, ça a déjà été démontré au niveau de la faisabilité. L'objectif étant, sur le côté de l'ADN, d'arriver à faire un séquenceur d'ADN. Parce que maintenant, vous pouvez imaginer que si on est sensible non plus au passage macroscopique de l'ADN, mais que une paire de bases AT ou CG va avoir une réponse différente sur le courant. Par exemple, si au moment où AT passe, il va y avoir un courant plus fort que lorsque ça va être CG, eh bien, on pourrait avoir une modulation ici sur notre courant différente. Et puis une modulation fine. Et à ce moment-là, on peut dire, tiens, on arrive à faire le séquençage de l'ADN, on fait un lecteur d'ADN, quoi, finalement, qui est pas cher, rapide, et qu'on peut faire au pied du lit du patient, quoi. Donc ça, c'est vraiment, il y a des milliards qui sont en jeu, tout ce qui est médical et pharmaceutique, au niveau des États-Unis, de partout, ça se bat dans tous les sens. Arriver à faire le séquençage rapide, sûr et pas cher de l'ADN, c'est un enjeu énorme. C'est une manip de table, quoi, qu'on peut mettre où on veut, finalement. On est en solution, donc les poussières, c'est pas trop gênant. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses qui... Enfin, c'est gênant si elles sont dans la solution. Mais a priori, il y a moyen quand même de se protéger dès lors qu'on est en solution des poussières qu'on va avoir, quoi. Donc du coup, c'est vrai que c'est des manips qui sont suivies de très près. Ça a d'ailleurs fait l'objet d'un magazine entier de Science derrière moi. Il y a une course énorme. Alors moi, après, je ne suis pas intéressée spécialement dans cette course-là. Ce n'est pas forcément ce qui, moi, me motive. Par contre, dire on est capable de venir détecter quelque chose à l'échelle nanométrique et d'avoir une sonde qui soit extrêmement précise à ce moment-là et comment ça marche exactement, quels sont les phénomènes physiques qui sont derrière, c'est ça qui m'intéresse, en fait. Et puis, en plus, utiliser des nanopores avec des membranes comme ça trouées, finalement, ça avait déjà été plus ou moins fait quand moi je suis arrivée au labo et que je me suis intéressée à ces sujets-là. Ça servait à rien de se lancer dans cette course où tout le monde avait déjà une longueur d'avance par rapport à nous. Donc nous, on a décidé de faire autre chose, en fait. On n'est pas parti sur un système de pores durs comme ça. On est parti sur un système de nanopipettes. Alors les nanopipettes, c'est quoi? C'est des objets que l'on étire. Au départ, on a un tube en verre, en silice pur, qu'on va chauffer très haut, et puis on va étirer de chaque côté. Du coup, au final, on va se retrouver avec un objet ouvert ici, au bout, sur quelques nanomètres, mais qui a une forme, ici, vraiment de pointe, quoi, de pipette. Et donc là, on retrouve un peu les objets que j'utilise par ailleurs, hein, avec des formes où, a priori, le champ peut être important à cet endroit-là. Et du coup, on peut imaginer que les choses vont être légèrement différentes dû simplement à la forme de l'objet que l'on utilise. Et donc rien que ça, c'est très intéressant d'un point de vue physique de voir ce qui se passe au bout de ces objets-là. Donc au lieu d'avoir un montage comme celui-ci, maintenant on peut avoir un bécher ou un réservoir de liquide dans lequel on vient plonger notre nanopipette. On met l'électrode à l'intérieur de la nanopipette et puis une électrode qui plonge dans le bain ici. Et là on fait pareil finalement que ce que font les autres. On a un système avec détection de courant, mesure de tension, et évidemment la mesure de courant ici, c'est avec une amplification énorme. Donc pareil, on est dans une cage de Faraday et on fait les mesures à travers ça. Alors, ce qu'il y a, c'est que c'est pas si simple, en fait. C'est-à-dire que au départ, ces objets-là, on sait les produire, mais pas de façon extrêmement reproductible. C'est-à-dire qu'il y a des paramètres de chauffage ici au niveau du tube, et au niveau de la façon dont on va étirer, il y a plein de choses qui entrent en compte. En réalité, dans la partie étireuse, il y a 5 paramètres. Et ces 5 paramètres, il faut les régler pour pouvoir obtenir toujours la même chose. Et même quand on part avec les mêmes tubes, les mêmes paramètres, on a une distribution en taille qui est énorme. Donc du coup, nous, on s'est vraiment attelé d'abord à caractériser nos nanopipettes. Quelle est la taille qu'elle fait? Quelles sont les dimensions quelle est la dimension de la nanopipette qu'on est en train d'utiliser? Donc du coup, il y a caractérisation au niveau du microscope électronique, mais on a trouvé aussi un système pour caractériser nos pipettes avec un système simple de mesure d'avancée de ménisque. Donc ça, c'est une publication qu'on est en train de faire. On a ici un système avec un tube finalement très fin, mais dont les dimensions sont d'abord macroscopiques et puis finissent par être nanométriques. Donc des objets comme ça, il y en a très très peu finalement. Et ça n'a pas beaucoup été étudié en mécanique des fluides, si on regarde les choses. Donc si on met un liquide ici, il va y avoir un ménisque qui va se créer à cet endroit-là. Puis après, on peut appliquer une pression de ce côté-là et puis on voit ce ménisque avancer avec une certaine vitesse. Évidemment, la vitesse d'avancée du ménisque va dépendre de la vitesse à laquelle sortent les particules d'air qui sont comprises là-dedans. Et donc, ça dépend entièrement de la taille du trou qui est ici. Et du coup, en faisant la mesure d'avancée du ménisque ici, on arrive à déterminer la mesure du trou qui est ici, la taille du trou qui est à la sortie. Et ça, ça n'avait jamais été utilisé ou fait avant. Et donc, on a une technique simple et rapide pour faire ces mesures. Et une fois qu'on connaît parfaitement notre trou, on peut utiliser la pipette et aller faire des mesures électriques avec. Pour les premiers essais que j'ai faits, en essayant de faire passer des molécules ou des colloïdes, alors les colloïdes, c'est ces petites particules qui sont parfaitement calibrées, dont on connaît la dimension, qui font, là je savais que j'avais des particules qui faisaient 20 nanomètres, en l'occurrence. Donc on imagine mettre plein de billes qui font 20 nanomètres à l'intérieur. comment vont-elles passer, comment on va les détecter au niveau de notre signal. Et manifestement, ça fait un signal qui est opposé à celui auquel je m'attendrais. Donc il doit y avoir des choses intéressantes à chercher là-derrière, mais c'est des premières manips en fait. Donc pour le moment, on est loin de faire le séquençage de l'ADN.